dernière prise vocale. C'est du lourd, c'est l'heure de se mettre à table, de remonter le moral, de naviguer entre les larmes, les cris, les balles. C'est moche, le repenti, le cœur du pire, empire tout pire. C'est gratuit, c'est pas pour rire, c'est fini le temps où fallait fuir. S'enfuir, je pouvais pas, j'ai pas le droit, ni même d'énormes talents. Sauver les gens, noyer l'argent et respecter les normes auparavant. Simple philosophie ou simple vie, je te dirai tout sur symphonie. Symbolique comme la colombe dans mon pays, les symphoniques. L'atmosphère est crado, même après le bain, j'ai pas la peau douce. C'est la folle course où l'homme prend la course avant la peau de l'ours. J'suis pas tranquille ici, dans 10 piges, j'aurai un flingue sous l'oreiller. La balle à mon ailier, comme dirait Gaines, frère, la dalle, faut l'oublier. Dans ce milieu, j'suis l'ouvrier, j'passe la journée en peu de travail. Mais où est le vrai, tout ce que c'est, fatigué, mes yeux baillent. Mes sons style face à la routine, au mensonge, au blasphème. C'est le jour de mon baptême, 26-12-85, venu pour blaser. C'est l'heure de te réveiller, de bouger le cul, te mettre sur pied. De motiver tes troupes pour des années, de leur rappeler ce qu'ils viennent. C'est l'heure de te réveiller, de bouger le cul, te mettre sur pied. De potasser mes cours pour les minots, de leur rappeler ce qu'ils viennent. C'est l'heure de te réveiller, de bouger le cul, te mettre sur pied. De motiver tes troupes pour des années, de leur rappeler ce qu'ils viennent. C'est l'heure de te réveiller, de bouger le cul, te mettre sur pied. De potasser mes cours pour les minots, de leur rappeler ce qu'ils viennent. Toujours la même dégaine, je porte pas de chaîne et le mic au bout du zen. Tu remues la tête, c'est ma tournée, la prochaine c'est la tienne. Je vise pas le podium, j'ai le cœur au chrome, je ne suis qu'un homme. Y'a pas de sérum contre la loi, ni politique qui nous sermonne. Dictature officieuse, officiellement vicieuse candidature. Je te le dis, ce que je voudrais voir, c'est ce que Candide a vu. Des sans-abri crèchent là à la bordure du périphérique. Stoïque, le président pense que bien sûr à son périphérique. J'ai plus le temps à 23 ans, immature, je pense sur le moment. J'ai plus le temps à 40 ans, travailler dur, j'y crois pas vraiment. Et regarde le rapport en couille comme une fusée sans fuselage. Tout ça en fait taminé, stringé, moi je suis adepte du fut large. Je suis barge, j'avoue, heureusement qu'on a que les yeux pour pleurer. Sinon je remplirais les mers, les terres et le monde entier. Je reste entier, respect au vrai, au lait, amour et paix. Message indestructible à lire et bien sûr à diffuser. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De motiver tes troupes pour des années, de leur rappeler ce qu'est vrai. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De potasser mes cours pour les minots, de leur rappeler ce qu'est vrai. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De motiver tes troupes pour des années, de leur rappeler ce qu'est vrai. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De potasser mes cours pour les minots, de leur rappeler ce qu'est vrai. J'attends pas ici bêtement comme un vieux sur ma chaise longue. Je me fous que le PS bombe et le succès une hécatombe. Tu l'as senti au fond de toi, je rappe pas pour déconner. Un message à couper, prends-le comme une sourate ou un verset. J'ai la pensée inversée, mais je veux pas trop m'avancer. Du mal à s'insérer, mais l'esprit libre, j'ai imprimé. L'expérience de la vie, on s'en sort mal et ça rend seul. On s'oublie à nos devoirs comme un vieux vicieux qui se rince l'œil. Ça sent la progression, ma voix est à puissant courant d'air. Ça sent le dilemme, où va-t-on des cums, ce sap au col en vert. Je sais, j'ai du bas goût, je suis pas relou, j'ai juste pas le goût. De voir mon toit rien, et ça j'y peux rien, et puis c'est tout. J'oublie pas d'ailleurs, c'est pire en Afrique, c'est un vrai calvaire. Les peuples disparaissent, meurent de faim, à sang dans une caverne. Le tamat est pourtant terne, les yeux rouges et les grosses cernes. Les boss saignent dans leur quartier, la tête sous les gosses règnent. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De motiver tes troupes pour des années, de leur rappeler ce qu'est vrai. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De potasser mes cours pour les minots, de leur rappeler ce qu'est vrai. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De motiver tes troupes pour des années, de leur rappeler ce qu'est vrai. C'est l'heure de te réveiller, te bouger le cul, te mettre sur pied. De potasser mes cours pour les minots, de leur rappeler ce qu'est vrai.